29. Ouais, je suis venu par dessous. Ouais, mais avec les sous. Ouais, c'est que ça parle des sous. Ouais, on se croise à Shell ou à SO. Ta chienne envoie mes sons. Ouais, ma caisse est garée au hazy. Sa mère le garde des sous. Paye, envoie mes sous. Paye, envoie mes sous. Ouais, paye, on devient méchant. J'ai pas laissé mon flingue à la maison. Ouais, la nuit j'ai des visions. Je les ai vus tous morts et j'ai perdu la raison. Ouais, paye, envoie mes sous. Paye, envoie mes sous. Ouais, sur ma mère tous payent. Ouais, ici tous sait. Ouais, leurs sont dans ma bouteille. J'ai pas eu le temps de douter. Sa grand-mère Bruce Wayne. On fait la neige dans tout Gotham. Je la nique sans connaître son name. Une demi-douzaine de calibre à ma table. Ouais. Ta pute m'appelle Mi Corazon. Ouais. Suce-moi avec des glaçons. Ouais. On fait peur à la nation. J'ai mon gang en formation. Comme un franc-maçon. Ouais. Regarde-moi dans les yeux. Ouais. C'est le combat des diables et des dieux. Ouais. Je prends les conseils des vieux. Mais je vais pas tout faire comme eux. Moi je vais le faire en mieux. Ouais, on veut grimper dans la suite. Ouais, après tu connais la suite. Ouais, on a vendu du shit. Après on a vendu la fesse. Après on a fait des hits. Ouais, fils de putain. Je mets des claques à ses seins. Je connais bien les trains. Ouais, rien à foutre d'être numéro 1. Elle sait qu'on n'est pas des saints. Je rentre au petit matin. Paye, envoie mes sous. Paye, envoie mes sous. Ouais. On devient méchant. J'ai pas laissé mon flingue à la maison. Ouais. La nuit j'ai des visions. Je les ai vus tous morts. Ouais. J'ai perdu la raison. Ouais. Paye, envoie mes sous. Paye, envoie mes sous. Ici tout seul. Ouais. Leurs sont dans ma bouteille. J'ai pas eu le temps de douter. Ouais. Sa grand-mère Bruce Wayne. On fait la neige dans tout Gotham. Je la nique sans connaître son name. Une demi-douzaine de calibre à ma table. Paye, envoie mes sous. Paye, envoie mes sous. Paye, on devient méchant. J'ai pas laissé mon flingue à la maison. Paye, envoie mes sous. Chat, enculé. 19.